fatica, signa pena da lama, tutta grande razzata, e se no, se con nome che pur l'eternità, pisa ti valca io, grande forza rosa, pietà terdesima, sublime esprit, qui de votre passage amène c'est la trace, sur les libas superbes de vaste débris. Et est-ce là, aux œuvres colossales, en vos mains baptisées de mire d'Erochia, qui cantesque travaux aux formes idéales, le Créateur même en effraya. Noble soyeux, grâce divine.